ne te délaisserai point, ni t'abandonnerai point. C'est pour cela je dirai, l'Éternel est mon soutien. Oui, persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oh, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Marie, mon frère Didier Mouata, que le Seigneur.